Mesdames et messieurs, directement de la forêt, veuillez accueillir Madame Hibou. Je suis Madame Hibou. Ouh, je mange pas de poux. Ouh, je suis Madame Hibou. Ouh, je n'ai pas de poux. Sous mes genoux, je suis Madame Hibou. Ouh, je ne mange pas de choux. Ouh, je suis Madame Hibou. Ouh, je n'ai pas de choux. Dans le cou, je n'ai pas de poux. Sous les genoux, je suis Madame Hibou. Ouh, je ne mange pas de sous. Ouh, je suis Madame Hibou. Ouh, je n'ai pas de sous. Dans ma joue, je n'ai pas de choux. Dans le cou, je n'ai pas de poux. Sous les genoux, je suis Madame Hibou. Ouh, tout est tigidou. Ouh, je suis Madame Hibou. Ouh, tout est tigidou. Ma tête de fou, je n'ai pas de sous. Dans ma joue, je n'ai pas de choux. Dans le cou, je n'ai pas de poux. Sous les genoux, je suis Madame Hibou. Merci tout le monde, merci. Madame Hibou est très contente de faire un spectacle. Merci.